الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هذا هو الدرس العشرين في دراسة كتاب الشيخ العلامة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه وطال عمره في طاعته. سي نوتخ 20e cours autour du livre La source abondante et délicieuse dans la critique des voies dans le da'wa et certaines critiques dans les croyances. Et c'est le 20e cours. Et nous avons vu hier un résumé sur la vie de Hassan al-Banna. Fa'al-Bariha kunna ma'a nubdatin an al-Banna wa an nash'atihi wa tarbiyatihi. Wa la'alla sa'ilan yaqul limada hada al-kalamu. هذا الكلام لأنه يوجد بين ظهراننا مغفلون كثيرون يعتقدون أن البنا إمام ويقولون الإمام الشهيد، فجمعوا بين مصيبتين حينما جعلوه إمام في الدين وهو لا يستحق الإمامة، ونشأته كانت صوفية، وقالوا عنه شهيد رجما بالغيب، لأننا لا نعرف من هو الشهيد، فلا نحكم لأحد بالشهادة إلا من حكم له بها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمير المؤمنين في الحديث في صحيحه بوب بابا لا يقال فلان شهيد. لما؟ لأن هذا عند الله، واحتج بحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالله عز وجل وحده الذي يعلم، ونحن لا ندري هل هذا الإنسان مات شهيدا أم لا، هذا علمه عند الله. ومع هذا كله يتمادى الإخوان المفلسون والمغفلون في هذا الخطأ الكبير بتسمية البنا إمام وشهيد. Donc, nous avons vu hier certains résumés de la vie de Al-Banna et son éducation, comment il a évolué dans sa vie, qu'il a eu une éducation sophie, qu'il a évolué dans le sophisme. Et pourquoi, peut-être que certains parmi nous se posent la question, pourquoi on parle de Hassan Al-Banna et de l'évolution de Hassan Al-Banna et de l'éducation de Hassan Al-Banna. On parle parce qu'il y a parmi nous des naïfs et des insensés qui croient que Hassan al-Banna est un imam. Ils disent l'imam martyr Hassan al-Banna. Ils ont réuni deux catastrophes. Ils ont fait de Hassan al-Banna un imam dans la religion alors qu'il ne le mérite pas, qu'il ne mérite pas l'imamat dans la religion, alors que son évolution, il a grandi dans le sophisme. Hein? Et il a été adepte de l'une des grandes confréries sophites qui est Hassafi al-Shadiliya. Ils disent de lui qu'il est martyr. Ceci, ils parlent, ils disent n'importe quoi. Et ils disent n'importe quoi parce que on ne peut pas savoir qui est martyr et qui ne l'est pas. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est martyr. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'eux qu'ils sont martyrs ou son messager alayhi salatu wassalam. Voici le prince des hommes du hadith dans son authentique, l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala, il ouvre un chapitre, on ne dit pas de quelqu'un martyr. Pourquoi? Parce que ceci c'est chez Allah azza wa jal. Et il a ramené comme preuve chaque blessé qui se blesse sur le sentier d'Allah azza wa jal. Et seul Allah sait qui est blessé pour lui et sur son sentier. Et ça c'est la parole de notre prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal, il est le seul à savoir qui est mort comme martyr. Et nous on ne sait pas si cet être humain est mort martyr ou pas. Ça, sa science, sa connaissance, elle est chez Allah azza wa jal. Et malgré tout ça, les ikhwal al-muflisoun, les naïfs, les insensés, continuent à propager et à cette énorme erreur. En appelant le banna imam shahid, en appelant Sayyid Qutb imam shahid. Ceci, c'est une énorme erreur. Et aussi, pourquoi avoir... Pourquoi Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous a cité la biographie de Hassan al-Banna? C'est parce que Hassan al-Banna, c'est le fondateur des Ikhwan. On ne peut pas connaître les Ikhwan comme une réelle connaissance si on ne connaît pas la voie sur laquelle et les croyances sur laquelle était Hassan al-Banna et ceux qui ont fondé le parti avec. وهنا البعض يتساءل هذا السؤال. الإخوان نشأوا في مصر فكيف دخلوا بلاد التوحيد؟ فلقد حج حسن البنا واجتمع بالملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بمكة ونقل أنه طلب منه أن يفتح دورا في السعودية للإخوان المفلسين فأجابه رحمه الله نحن في هذه البلاد كلنا إخوان مسلمون وهذه كان يحكيها الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى. Donc, certains peuvent se poser la question aussi, si les Ikhwan sont nés, ont vu leur naissance en Égypte, comment ça se fait? Comment ils ont pu rentrer au pays du monothéisme, au pays de la Salafia qui est l'Arabie Saoudite? Hassan al-Banna fait son pèlerinage et il s'est réuni avec le roi Abdelaziz, rahmatullah alayhi, à la Mecque. Il a été rapporté lors de cette réunion que Hassan al-Banna a demandé au roi Abdelaziz, rahmatullah alayhi, d'ouvrir des maisons et des centres, des clubs, d'yal, l'Ikhwal al-Muflisin. Et rahmatullah alayhi, le roi Abdelaziz lui a répondu que nous, dans ce pays, nous sommes tous des frères en islam et des frères musulmans. Et cette histoire, Cheikh Mohamed Aman, rahmatullah alayhi, il l'a raconté beaucoup. Voyez un petit peu cette clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet imam, le roi d'Arabie Saoudite, Abdelaziz, rahmatullah alayhi. On est tous des musulmans ici. Et ça, si tu trouves quelque chose, ça veut dire que les gouverneurs des pays de l'Arabie Saoudite, ils sont éduqués sur un monothéisme, sur un menhej, une voie saine et très claire, dans laquelle il n'y a pas d'ambiguïté. وبعدها حصلت النكبة للإخوان على يد جمال عبد الناصر وعلق لهم المشانيق فر الإخوان إلى الخليج وأغلبهم دخل السعودية واحتضنتهم بلاد التوحيد وآواتهم وأحسنت إليهم ووظفتهم مدرسين في المعاهد والمدارس والكليات والجامعات ودور تحفيظ القرآن ولكن مع الأسف الشديد استغلوا الفرصة وبتوا وانظر من على شاكلتهم من أشباب بروكسل وأوروبا الذين أكرمتهم السعودية في جامعاتها وهم الآن يطعنون فيها وفي علمائها وحكامها فاستغلوا الفرصة وبتوا العقائد الإخواني والمنهج الإخواني في الشباب السعودي وزرعوا هذا المنهج المنحرف في دور التعليم والمعاهد والجامعات والمدارس وكذلك في حلقات التحفيظ وأخرجوا جيلا من السعوديين ومن الخليجيين على منهج حسن البنا ويقال أن مناع القطان من تلاميذ حسن البنا وهو أول من أدخل الفكر الإخواني إلى المملكة وهذا الرجل بقي أكثر من 40 سنة يدرس في الجامعات السعودية كم أخرج خلالها من الشباب السعودي على الفكر الإخواني. Et donc, quand il y a eu les Ikhwan ont commencé à avoir des problèmes et quand ils ont commencé à être maltraités par Jamal Abdel Nasser parce qu'il voulait son poste, Et quand il a commencé à émettre des sentences de mort contre eux, les Ikhwan se sont sauvés. Ceux qui ont pu se sauver vers Khalij, vers le Koweït et les autres pays. Et la majorité d'entre eux, une grande partie d'entre eux, sont rentrés en Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite les a accueillis. Le pays du monothéisme les a accueillis. Il a été bon avec eux. Et il leur a donné des fonctions dans l'enseignement. Il les a utilisés, l'Arabie Saoudite les a utilisés comme instituteurs, comme profs dans les instituts, dans les écoles, dans les facs, dans les universités, dans les maisons où on apprend le Coran. Mais malheureusement, ils ont profité de cette occasion pour propager leur venin et pour propager la voix des Ikhwan et les dogmes des Ikhwan dans la jeunesse d'Arabie Saoudite et du Koweït et autres. Et ils ont propagé cette voix divier dans les maisons de l'enseignement, que ce soit dans les instituts, dans les universités, dans les écoles, dans les cercles d'enseignement du Coran. Ils nous ont sorti une génération de Saoudiens et de Koweïtiens et autres sur la voie de Hassan al-Banna. On rapporte que Mna al-Qattan était l'un des élèves de Hassan al-Banna. Il est le premier qui a rentré la pensée ikhwanite au royaume d'Arabie Saoudite. Et cet homme est resté plus de 40 ans à enseigner dans les universités en Arabie Saoudite. Combien de jeunes, imbus et remplis de la pensée de l'ikhwan a formé cet homme? Regardez aussi la même chose, ceux qui nous entourent ici, à Bruxelles, parmi les jeunes auxquels l'Arabie Saoudite a fait du bien, il les a accueillis, il leur a donné une bourse. Pendant plusieurs années, 6 ans, 7 ans, voire plus, voire moins, il les a honorés, il les a éduqués, et il leur a enseigné une aqida. Et maintenant, ils sont ici, autour de nous à Bruxelles et ailleurs, en train de critiquer les hommes de science d'Arabie Saoudite et en train de critiquer et de dénigrer les gouverneurs du pays de l'Arabie Saoudite. Regardez comment ils remercient cet état du monothéisme. ومثل هؤلاء وأمثال القطان كثيرون حسن أيوب محمد قطب زين العابدين سرور خرجوا هؤلاء كثيرا من الدكاترة على منهجهم والإخوان المسلمين لم يأتوا فقط من مصر إلى السعودية وإنما أتوا كذلك من العراق والشام ونشروا هذا المنهج الحركي في الخليج العربي فمحمود الصواف رئيس الإخوان في العراق مكث 40 سنة في مكة وتوفي بها وطيلة هذه المدة كان في الرابطة الإسلامية. Et l'exemple de Mna al-Qattan sont nombreux. Sont nombreux ceux qui sont comme Mna al-Qattan. Hassan Ayoub était au Koweït. Mohamed Qutb, Zin al-Abidin, Soror, tout ça, ils ont éduqué une génération et ils ont formé des docteurs sur la même voie qu'eux, sur la voie de l'Ikhwan. Et l'Ikhwan musulmans ne sont pas arrivés tout simplement vers l'Arabie Saoudite et vers le Koweït et autres pays du Khalij, tout simplement d'Égypte, mais ils sont venus aussi d'Irak, du nord de l'Arabie, du Cham, de la Syrie, de la Jordanie. Et ils ont propagé cette voie mouvementiste, activiste, dans tout le Khalij arabe. Mahmoud Sawaf, qui était le président des Ikhwan en Irak, est resté 40 ans à la Mecque. Et il est mort à la Mecque, rahimahullah. Et durant toute cette période, il était al-Rabit al-Islamiyya. فالإخوان لما دخلوا السعودية تمسكنوا حتى مسكوا زمام الدعوة وتغلغلوا في المؤسسات التعليمية. ويذكر الشيخ أبو مالك الجهني أنه عندما كان في الابتدائي درس في كتاب الأصول الثلاثة وفي المتوسط كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولما انتقل إلى الثانوي درسوهم كتاب التوحيد لمحمد قطب. انظر كيف هذا الغزو مع أن محمد قطب لا يزيد على أنه أديب. دراسته كانت في الأدب الإنجليزي ثم جيء به إلى السعودية وأصبح فيها مدرسا في قسم العقيدة ويشرف على رسائل ماجستير ودكتورة. كيف احتل هذا المنصب مع أنه لم تكن معه شهادات في العلوم الشرعية؟ كيف وصل إلى هذا المنصب؟ وهذا يدلك على دهاء الإخوان المفلسين. إيه الإخوان quand ils sont rentrés en Arabie Saoudite ils se sont fait tout petits au début jusqu'à ce qu'ils ont maîtrisé la situation. Une fois qu'ils sont devenus nombreux et qu'ils ont pris les points sensibles, les points forts, les points de maîtrise dont les institutions d'enseignement, là, ils ont montré leur réel visage. Hein? Et ceci, comme a dit l'un de plus ailleurs, les innovateurs, quand ils rentrent quelque part, sont comme les scorpions. Le scorpion, avant de piquer, ils enfoncent sa tête et son corps dans le sable, il monte juste son petit dard. Et quand il pique, à ce moment-là, hein, il prend prise. Et Cheikh Abou Malik al-Juhani à Yenbou dit quand il a commencé à étudier dans le primaire, il a commencé à étudier le livre des trois principes fondamentaux. Et c'est-à-dire quand il est arrivé à partir du CM1, CM2, dans le livre du monothéisme de Cheikh l'Islam ibn Abd al-Wahhab, rahmatullahi alayh. Et quand il a été au secondaire, à ce moment-là, ils leur ont enseigné le livre d'Al Tawhid de Mohamed Qutb. Regarde comment c'est invasion. Alors que Mohamed Qutb, ce n'est qu'un littéraire. Toutes ses études n'ont été que dans la littérature anglaise. Et on l'a ramené en Arabie Saoudite et il est devenu enseignant là-bas dans le secteur du dogme. Et il était quelqu'un qui était mouchrif, qui était responsable sur, et qui orientait les étudiants dans leur magistère et leur doctorat. Comment il est arrivé à ce poste-là? Alors qu'il n'avait pas aucun diplôme au niveau des sciences de la législation. Comment il est arrivé à ce poste? Ça se montre les manigances des Rouen et leur intelligence à prendre et à maîtriser les situations, à prendre les postes clés. ومحمد قطب زرع في الشباب السعودي وفي تلامذه مسألة أن الذي لا يكفر الحكام فهو مرجئ فهو الذي زعم فكرة أن الإرجاء غلب على المسلمين لماذا؟ لأنهم لا يكفرون الحكام وعزى إلى تلميذه الوفي سفر الحوالي أن يكتب رسالة في الدكتوراه في هذا الموضوع ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي وألف هذا التلميذ الوفي لشيخه هذه الرسالة وأثبت فيها تكفير الحكام وأن الذي لا يكفرهم مرجئ بل قال أن الذي لا يكفر تارك الصلاة مرجئ وقال أشياء وأكد أشياء استقاها من شيخه وأستاذه محمد قطب فحتى في الجامعات الإسلامية كانت لهم سلطة ولا زالت حتى أن الإخوة في بروكسل الآن لا يمكن أن يقبلوا في الجامعات إلا إذا كانت عندهم تزكية من أحد الإخوان في بروكسل الذي تخرج من الجامعة الإسلامية وكان الإخوان يقولون عن السعودية تمكننا في هذه البلاد ما لم نتمكن في غيرها ولذا ترى أن غالب الشباب السعودي كما يقول أهل العلم الحزبي بل إن أشد التكفيرين في العالم من جنسية سعودية انظر بن لادن وغيره إذن محمد قطب inculqué et injecté dans la jeunesse musulmane en général et la jeunesse saoudienne en particulier que celui qui ne rompt pas mes crayons les gouverneurs, c'est un morgé. C'est pour ça que tu entends les tkfilis du monde moderne maintenant. Ceux qui sont autour de toi ici à Bruxelles et ailleurs, ils te parlent. Ah, celui-là ne rompt pas mes crayons le hakim, donc c'est un morgé. Ah, d'où ils la tiennent? Mohamed Qutb. C'est lui qui a inculqué le sujet comme quoi l'irja est devenu monnaie courante dans la communauté de l'islam. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne rendent pas mécréants les gouverneurs des pays musulmans. Et c'est lui qui a insufflé, qui a orienté son élève, hein, dévoué. Safar al-Hawali a écrit, hein, son doctorat, le sujet de son doctorat, la zahirat al-irja fil alam al-islami, l'irja dans le monde musulman. Hein? Et cet élève qui, Safar al-Hawali, a été dévoué pour son cheikh, donc il a écrit cette risala sous l'orientation et l'influence de Mohamed Qutb. Et il a confirmé dedans le fait de rendre mécréants les gouverneurs des pays de l'islam. Et que celui qui ne le rend pas mécréant, c'est un morgé. Et il a dit dans sa risala que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, c'est un morgé. Il a dit d'autres choses. Il a confirmé d'autres choses qui sont contradictoires à la voix du puiseur d'Allah Alim. Il les a eu d'où? Des orientations de son cheikh et de son professeur Mohamed Qutb. et dans les universités islamiques, ils avaient un pouvoir. Et maintenant, nos frères à Bruxelles et en Belgique souffrent d'un truc parce qu'ils ne peuvent être acceptés dans les universités islamiques d'Égypte, d'Arabie Saoudite, que s'ils ont la tazkiya d'une certaine personne, hein, qui est sur la voie des Ikhwan. Et cette personne a fait ses études dans l'université islamique de Médine. Et l'Ikhwan disait qu'ils ont mis la main sur l'Arabie Saoudite, ils ont maîtrisé la situation sur l'Arabie Saoudite comme ils ne l'ont pas fait ailleurs. C'est pour ça, comme disent les hommes de science, disent que beaucoup de jeunesse saoudienne est hizbi. Et les pires tekfiris dans le monde sont de nationalité saoudite, hein, comme Bin Laden et autres. الشباب السعودي يقوم بعمليات وتضحيات ما يقدمها أحد في العالم مع الأسف الشديد. لما؟ لأن الإخوان استغلوا فيهم 50 سنة وخرجوا لنا هذا الجيل، وهذه سيئة من سيئة الإخوان، وهذا بشهادة المشايخ السعوديين. فأنت ترى أنهم يعلنون الحق ولا يكتمونه كما يزعم الحزبيون وأعداء السلفيين. La jeunesse saoudienne est hizbite en général. Mais les pires tekfiriens dans le monde sont des hizbites. La jeunesse saoudienne a accompli des actes et ont fait des sacrifices que peu de musulmans ont fait dans le monde, mais avec beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que les Ikhwan ont profité des 50 ans pour inculquer, pour nous donner cette génération. Et ça, c'est l'une des grandes CIA parmi les CIA de l'Ikhwan. Et ceci avec les témoignages des mashaïkh saoudiens. Et tu vois qu'ils disent ce qu'il y a dans la situation. Ils disent que la jeunesse, une grande partie de la jeunesse saoudienne est hizbi. Ils disent la vérité. Ils ne la cachent pas, comme prétendent les ennemis de la salafia, que les hommes de science cachent les situations. Là, regarde-les. Ils déclarent qu'il y a beaucoup de jeunes hizbi et pas tout ceci. Et l'influence néfaste découle de l'influence néfaste des frères musulmans. Un demi-siècle de lavage de cerveau, ils ont fait. Et les Ikhwan se sont propagés dans le milieu le plus sensible qui est l'enseignement. C'est pour ça qu'à travers l'Europe, etc., tu les vois évoluer dans les campus, dans les universités. Et dès qu'il y a des centres, regardez autour de vous les centres à Bruxelles, qui les tient? Ils ont des tendances sororites. Ceux qui les tiennent ont des tendances sororites, ikhwanites, adnanites, araourites, et ainsi de suite. Hein? Ils utilisent un langage et tu vois les sœurs et les frères. Malheureusement, ils les écoutent, mais ils disent rien de mal. Vous savez pas, et vous verrez, quand on vous passera un enregistrement, et on fera le commentaire de ce enregistrement, vous allez voir qu'ils disent rien de mal. Comment ils sont en réalité. Vous allez comprendre. Inch'Allah. والمشايخ يقولون أن الدعوة السلفية في اليمن والشام والجزائر وغيرها قوية وأقوى من الدعوة السلفية في السعودية. فأقوى مدينة في السلفية في السعودية المدينة وجيزان لوجود المشايخ والدعاة السلفيين. وكذلك هناك دعوة سلفية في مكة لوجود الشيخ ربيع والشيخ بزم محمد وأخوه أحمد والشيخ آدم الإثيوبي والشيخ وصي عباس وصي الله حفظهم الله تعالى وأمثال هؤلاء. Et les hommes de science disent que la da'wah salafia au Yémen, au nord de l'Arabie, au Cham, en Algérie et ailleurs, est plus fort qu'en Arabie Saoudite. Pourquoi? L'endroit le plus fort où il y a la da'wah salafia en Saoudie, c'est Médine. Parce qu'il y a une grande concentration d'hommes de science et de défenseurs de la voie du puiseur d'Allah alim. À Jizan aussi, il y a une grande da'wah salafia. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, du Cheikh Zayd et d'autres mashaïrs. Et aussi, il y a une forte da'wa salafia à Mecca, parce que il y a Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Bazmoul Mohamed et son frère Cheikh Ahmed, et Cheikh Adam l'Éthiopie, et Cheikh Abbas Wasiullah Hafidhahullah Ta'ala, et d'autres du'at. Voilà qui nous donne la Najd. Le Najd l'Ikhwani mutagalghil hunak. حتى إنهم يحاربون السلفيين محاربة شعواء ويلمزونهم ويلبزونهم بأنهم جامية. والذين يلبزون السلفيين بأنهم جامية هم تلاميذ من نعل قطان ومحمد قطب وأمثال هؤلاء الذين تربوا على أيدي رؤوس الإخوان. Mais quand tu regardes Najd, Le manhaj l'Ikhwani est fort là-bas. Ils combattent la salafia. Ils combattent les du'ats de la salafia. À tel point, une fois, Cheikh Mohamed Amal Jami donnait un cours. Ils rentraient, ils ont fait un scandale. Et a renversé la table devant Cheikh et a crié, etc., à vouloir frapper Cheikh Mohamed Amal Rahmatullah Alayh. Ils ont fait de même avec Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala, et Cheikh Salih Sahimi, Hafidhahullah Ta'ala. Et ils traitent les salafis d'être jamia, des disciples de Mohamed Amal Jami. Et ceux qui traitent les salafis d'être des jamia, ce sont les élèves de Mna al-Qattani et de Mohamed Qutb, et les professeurs comme ceux-là. Ceux qui ont été éduqués, ceux qui critiquent et qui disent des salafis qui sont des jamis, voilà, ce sont ceux qui ont étudié sur chez les têtes des Ikhwan. Le manhaj l'Ikhwan est afsada kathiran min al-shabab fil alam. Hatta fi Europa wa Amerika. Walidalika lamma qama al-shaykh Rabi' wa asqata lahum al-ramza al-kabir Sayyid Qutb aqamu al-dunya alayhi wa aqaduha. Wa asbaha al-shaykh Rabi' yuharabu fi al-Saoudiya tashadda محاربة وخارج السعودية كذلك أنتم ترون وتسمعون من الإخوان هنا حولكم ماذا يقولون عن الشيخ ربيع أنه فتان وسمعت أمر من هذا بمدينة مراكش أنه مجرم قال قائلهم وهو من الدعاة ها من تلامذة الشيخ المغراوي قال الشيخ ربيع مجرم وسيد قطب مجاهد الله المستعان فهل الفتان هو الذي حدر من كتب يطعن فيها كاتبها في كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام فهل الفتان هو الذي يحذر من كتب يطعن صاحبها في صحابة رسول الله عثمان ومعاوية وهند وسفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما وهل الفتان هو الذي يحذر من كتاب يقول فيه صاحبه بخلق القرآن وهل الفتان هو الذي يحذر من كتاب يذكر فيه صاحبه وحدة الوجود والحلول والجبر وهل الفتان هو الذي يحذر من كتب من كتاب يعطل صاحبه صفات الله عز وجل على طريقة الجهمية. Donc, le منهج الإخواني, il a fait beaucoup de mal à beaucoup de jeunes. Il a divisé beaucoup de jeunes dans le monde. Ici, en Europe, en Amérique, partout. C'est pour ça qu'on Cheikh Rabi' رحمه الله حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه وأطال عمره. Quand il a fait tomber leur emblème, leur plus grand emblème, Sayyid Qutb, ils ont soulevé la terre contre lui. Quand il a montré les erreurs de Sayyid Qutb et les catastrophes qu'il y a au niveau des croyances dans les livres de Sayyid Qutb, ils lui ont fait la guerre. Il est devenu leur plus grand ennemi. Ils lui ont fait la guerre à l'intérieur de l'Arabie Saoudite et en dehors de l'Arabie Saoudite. Même ici autour de vous, regardez, dans les centres, les grands centres, les grandes librairies qui vont délivrer ici, vous ne trouverez pas un livre de Cheikh Rabi'. Et dans les grands centres, les livres qu'ils avaient de Cheikh Rabi', ils les cachent dans les sous-sols, comme l'ont attesté les frères qui travaillaient avant dans ces centres. Et ils disent de Cheikh Rabi' que c'est un fettan. Et j'ai entendu pire que ça, l'un des du'at à Marrakech, qui est l'un des élèves de Cheikh Al-Mghraoui, il a dit que Cheikh Rabi' est un criminel. Et que Sayyid Qutb est un mujahid, est un combattant. Allah al-Musta'an. Est-ce que le criminel, il fettan, c'est celui qui avertit contre les livres dans lesquels l'écrivain a dénigré Moussa alayhi salatu wassalam à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé? Est-ce que le criminel, il fettan, c'est celui qui avertit contre des livres dans lesquels l'écrivain a dénigré il a critiqué les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Uthman, Muawiya, Hind, Soufiane, Amr ibn al-As, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Est-ce que le fatan et le criminel, c'est celui qui avertit contre des livres dans lesquels l'écrivain a écrit, a prononcé clairement que le Coran c'est une créature d'Allah? Est-ce que le fatan et le criminel, c'est celui qui avertit contre des livres dans lesquels il y a l'éloge à l'unicité de l'existence, il y a le jabr. Est-ce que le fatan et le criminel, c'est celui qui avertit contre des livres dans lesquels il y a le dépouillement des attributs d'Allah, Azzawajal, de leur sens? هل الذي يحذر من هذه الطوام يعتبر مجرما أو فتانا؟ هل هذا هو المجرم؟ هل هذا هو الفتان؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وهل بيان وكشف هذه الشناعات والرد عليها من الفتنة؟ أين ذهبت عقولكم؟ فأنتم ترون إخوة الإسلام هذه الحرب ضد الشيخ ربيع وكتبه، ولكنها في الحقيقة حرب على المنهج السلفي الذي يدافع عنه الشيخ ربيع، ووالله الذي لا إله غيره، إن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كان لهؤلاء من الناصحين حفظه الله تعالى، وسدده وشافاه وعافاه وأطال عمره في طاعة الله وفي الدب والدفاع عن هذا المنهج السلفي. فالشيخ ربيع صاحب راية، الشيخ ربيع صاحب لواء، فمحاربته محاربة للمنهج السلفي. Donc celui qui avertit contre ces grandes catastrophes qu'il y a dans les livres de Saïd Qutb, est-ce qu'on le considère comme criminel et comme fatan? Est-ce que c'est ça la criminalité? Comment vous jugez? Vous avez des raisons? Est-ce que le fait de montrer les erreurs et de dévoiler les énormes erreurs qu'il y a dans l'aqida, qu'il y a dans la voie, et de les réfuter, ça c'est la fitna et c'est la criminalité? Où sont parties vos raisons? Vous voyez, frère, en islam, cette guerre contre Cheikh Rabi', contre les livres de Cheikh Rabi', en réalité, c'est une guerre contre la voie d'El Salaf, radhiyallahu anhum. Cheikh Rabi', il défend une voie. Par Allah. Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, c'est l'un des grands conseillers à ces hommes-là. Et ces hommes qui ont pris la voie de la déviation, pour qu'ils reviennent à eux-mêmes, pour qu'ils prennent la voie de leur puiseur, radhiyallahu anhum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge la vie de Cheikh Rabi' dans son obéissance et dans la défense de cette voie de nos puiseurs, radhiyallahu anhum. Il faut savoir que cette guerre qu'on mène contre Cheikh Rabi', on l'amène parce que Cheikh Rabi' est un porteur d'un étendard, un porteur d'un drapeau, la défense de la voie du puiseur, radhiyallahu anhum. C'est pour ça que tous sont réunis, Ikhwan et autres, sont réunis pour dénigrer l'image de Cheikh Rabi'. Mais Cheikh Rabi', il s'en fout de leur dénigrement. Il dit la vérité, il l'a dit haut et fort. Il ne craint personne, il le fait pour Allah. Cheikh Rabi' بينا ووضح ووضع النقاط على الحروف ونصح محمد قطب بصحب هذه الكتب من الساحة، ولكنه لم يسمع لنصحه. شيخ ربيع nous a éclairé. Il a mis les points sur les riz contre les erreurs et les déviations qu'il y a dans les livres de Sayyid Qutb. Et il a conseillé Mohamed Qutb pour retirer ses livres de la vente. Mais Sayyid Qutb n'a pas écouté son conseil. والحديث عن الإخوان ذو شجون ولعل طالب علم يتحفنا برسالة دكتور في الإخوان وطوامهم وآثارهم السيئة في العالم الإسلامي. فالكلام عن هذه الجماعة طويل وعريض. أنا أتكلم عن ضحايا الإخوان في العالم، أنا أتكلم عن تركيزهم لتدمير بلاد التوحيد، بلاد السنة والحديث. فالإخوان غزوا السعودية غزوا مركبا، وكان من مكرهم أنهم كانوا يأخذون الشباب السعودي كما فعلوا في غيرهم من شبان الخليج، ولكن من السعودية أكثر إلى أفغانستان، إبان الجهاد الأفغاني ضد الروس، وهناك تبدأ عملية غسل الدماغ. Le fait de parler des إخوان c'est un discours qui est trop long. Peut-être que, Inch'Allah, un des demandeurs de science va nous sortir une doctorat sur les points néfastes et le mal qu'ont fait les Ikhwan al-Muslimoun à la jeunesse musulmane à travers le monde. Car le fait de parler de ce groupe, de cette secte, ils l'ont. On parle, parce qu'il faut parler des victimes des Ikhwan al-Muslimoun à travers le monde, il faut parler aussi de leur acharnement à détruire le pays du monothéisme, le pays de la sunna, le pays du hadith qui est l'Arabie Saoudite. Il faut parler aussi, parce que l'Ikhwan, ils se sont propagés, ils ont influencé, ils ont eu un impact composé en Arabie Saoudite sur la jeunesse musulmane. Ils faisaient partie de leur manigance, c'est qu'à l'époque du jihad afghan contre les Russes, Il prenait la jeunesse du Khalij, du Koweït et autres, et surtout d'Arabie Saoudite, il les amenait en Afghanistan. Et là-bas, commençait le lavage, il leur lavait leur cerveau. Beaucoup de jeunes qui sont revenus d'Arabie Saoudite au Moyen-Orient sont venus avec des idées d'Al-Takfir, des idées d'Al-Ikhwan, parce qu'on leur a lavé le cerveau là-bas. ومن العجب أنهم كانوا يصرون على الجهاد في أفغانستان. الجهاد في أفغانستان فرض عين فرض عين. وكان أكابرهم يقولون الرجل يخرج والمرأة تخرج. وممن كانوا يحاضرون في الرياض وجدة عبد الله عزام وغيره يهيجون الشباب ويحثونهم على الخروج ويقولون اخرجوا ما نريد مالا نريد رجالا. لماذا كل هذا الحرص العجيب من رؤوس الإخوان؟ لأن هناك في أفغانستان مفرزة، هناك يحصل غسل الدماغ لكثير من الشباب السعودي وغيره، فسدوا هناك في أفغانستان. والعجيب أن عبد الله عزام رحمه الله يأتي إلى الخليج يهيج الشباب ويأمرهم بالخروج، وولداه يدرسان في الجامعة في إسلام أباد. C'est qu'à l'époque d'Al Jihad, en Afghanistan contre les Russes, les têtes d'Al Ikhwan criaient à travers le Moyen-Orient, le Jihad est une obligation pour chaque individu. Et les grands parmi les Ikhwan disaient même, il faut que l'homme sorte, que la femme sorte, que les jeunes sortent. Et parmi ceux qui donnaient des conférences à Riyad et à Jeddah, comme Abdullah Al-Zam et autres, ils excitaient les jeunes. Et les incitait à sortir. Ils ont dit, sortez, nous ne voulons pas d'argent, nous voulons des hommes. Pourquoi tout cet acharnement? Rien d'étonnant. Parce que là-bas, en Afghanistan, on les prend à part, on leur lave le cerveau. Beaucoup de jeunesse du Moyen-Orient, leur cerveau, et beaucoup de jeunes saoudiens, leur cerveau a été lavé là-bas. Et on les a détournés de la voie de leur puissance. Allah alim. Et ce qui est étonnant, Abdullah Azzam qui appelait et qui excitait les jeunes à sortir, venez au Moyen-Orient, excitez les gens et leur donne de sortir. Ces deux enfants étudiaient à cette époque à l'université à Islamabad. Regardez un peu. يهيجوا شباب المسلمين اخرجوا هذا دين وولداه يدرسان في الجامعة وكثير من شباب الخليج تركوا دراستهم ومنهم من ترك الوظيفة. والشيخ أبو مالك يقول أنه يعرف شخصا ترك وظيفته وكان له أولاد وذهب إلى أفغانستان، كان يعرف من يأتي بالأكل والمال لأولاده، ثم رجع الرجل وفقد الوظيفة وتبهذل، فهذا وامثاله في ذمة من؟ دونك عبد الله عزام excitait les jeunes musulmans à sortir. Il leur dit ça c'est une religion. Alors que ses enfants étudiaient à l'université d'Islamabad. Beaucoup de jeunes du Moyen-Orient ont délaissé leurs études. Certains parmi eux ont délaissé leur poste et leur travail. Cheikh Abou Malik dit, je connais une personne qui a délaissé son poste et qui a laissé son fonds et il est parti en Afghanistan. Et Cheikh Abou Malik dit, je connais celui qui ramenait la nourriture et l'argent à ses enfants. Et cet homme, quand il est revenu d'Afghanistan, il a perdu son poste et il est devenu au plus bas degré de la société. Et celui-là, il a beaucoup d'exemples. Ils sont sous la responsabilité de qui? Qui les a détruits? فكان الإخوان يركزون كثيرا على الشباب السعودي. وهذه مسألة تحتاج إلى دراسة. ويركزون كذلك على الشباب في العالم والشباب في الخليج. وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث. وتحتاج إلى استقراء أثر الإخوان على الشباب في الخليج خاصة وفي العالم عامة. فهذه جماعة رهيبة. مرهبة وأنتم الآن تسمعون ألقابا هذا بنائي وهذا قطبي وهذا سروري وهذا جزأري فالبنائي هو المتوسك والمتمسك بالمنهج الأول منهج المؤسس والقطبي والسروري في غالب الأحيان وهؤلاء سلكوا مسلك التصحيح والقطبي يطلق كذلك على التيار المتشدد في الإخوان الذي يستخدم العنف والتكفيريون في العالم الآن إمامهم وقدوتهم سيد قطب فالقطبي تطلق على السرور وعلى التكفير المتشدد من التيار الإخواني ومما لا شك فيه أن جماعة التكفير والهجرة أول ما ظهرت في مصر وبدأت في السجون والمعتقلات وهم في الحقيقة من أصل جماعة الإخوان المفلسين، لكنهم تأثروا بمنهج سيد قطب وبأفكار سيد قطب وانشقوا عن الإخوان، والقطبيون هؤلاء هم أصل المشاكل في مصر، وكذلك الجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة وجماعة الجهاد، وسمعتم بجماعة الدكتور عمر عبد الرحمن الضرير، هؤلاء كلهم أصلهم إخواني وانشقوا عنهم واتخذوا التكفير والإرهاب منهجا. فهذه الجماعات التي تطرق أسماء آذانك أيها الأخ من قطبية وسرورية وتكفير وهجرة وياسينية وغيرها، فهذه الجماعات التي تسمعها عنها أصل هذه البلايا كلها، ومصدرها جماعة الإخوان المفلسين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. Donc, إخوان, misez tous leurs efforts sur la jeunesse du Moyen-Orient et surtout sur les Saoudiens. Et sur la jeunesse en général dans le monde entier. Et ça, c'est un sujet qui a besoin d'études et de recherches pour chercher l'influence néfaste qu'avait l'Ikhwan sur la jeunesse de l'Orient et sur la jeunesse du Moyen-Orient et sur la jeunesse dans le monde entier. Parce que ça, c'est un groupe terroriste qui terrorise au niveau intellectuel. Il a un impact néfaste sur la jeunesse. Et aujourd'hui, vous entendez, celui-là, il est Bnaï, celui-là, il est Qutbi, celui-là, il est Sururi, celui-là, il est Jas'ari, celui-là, il est Tala'i'i. Enfin, Bnaï, c'est celui qui se cramponne à la première voix, la voix de Hassan al-Banna, la voix du fondateur. Le Qutbi et Sururi, en général, c'est les mêmes, ils ont pris la voix de l'authentification de la voix des Ikhwan. Et le Qutbi, on désigne avec le mouvement extrémiste des Ikhwan al-Muslimin qui utilise la sévérité et les tekfiris du monde moderne, leurs imams et leurs modèles, c'est Sayyid Qutb. Le Qutbi, on peut le désigner avec le Sorori, on peut désigner avec Tekfiri, qui sont les extrémistes d'Yal Ikhwal Muslimin. Il n'y a aucun doute que Jama'at Tekfir ou Al-Hijra, quand il a apparu en Égypte, il a commencé dans les prisons. Et à l'origine, c'était des adeptes d'Yal Jama'at l'Ikhwan. Mais ils ont été influencés par la voix de Sayyid Qutb, par les pensées et les opinions de Sayyid Qutb. Ils se sont détachés de la voix d'Ikhwan. Et Qutbiyoun, ceux-là, ce sont l'origine du mal et des catastrophes qu'il y a en Égypte, qu'il y a eu en Égypte. Ainsi que le Jama'at l'Islamiyya, ou que ce soit Tekfir ou l'Hijra, ou Jama'at l'Jihad. Et vous avez entendu de la Jama'at Dr. Omar Abdelrahman Darir aux États-Unis. Ah, tout ça, leur origine, c'est une origine ikhwani. Et ils se sont détachés d'eux, ils ont pris le tekfir et le terrorisme qu'on voit. Ce sont des groupes. Tous ces groupes, vous entendez leurs noms. Qutbiya, Sururiya, Tala'i'iya, Tekfir Hijra, Yassiniya. Et l'origine de toutes ces catastrophes, c'est la mère nourricière qui est l'ikhwan, Jama'at l'ikhwan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. وهذا أوان الشروع في الملاحظات والقوادح. Et maintenant, Cheikh Najmi Hafidah Allah Ta'ala, nous revenons à la lecture du livre, nous dit, et ça c'est le début de commencer à vous montrer les observations et les erreurs dans la voie de l'Ikhwan. أول هذه الملاحظات التهاون التهاون في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلقون منها. ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومقرر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك بل من أكبر أوكاره في مصر. La première observation, c'est que ce groupe ne donne pas l'importance au monothéisme de l'adoration. Il ne fait pas du monothéisme de l'adoration son pôle, son point de départ. Et les preuves pour cela, c'est que le fondateur de ce parti, Et celui qui a fait les fondements de cette voie, Hassan al-Banna, il a tenu une conférence dans l'un des plus grands endroits de l'associationnisme en Égypte, qui est le mausolée de Sayyida Zainab. L'un des plus grands endroits de l'associationnisme. Le mausolée de Sayyida Zainab. والدليل على ذلك إلى بروف pour cela نقل ذلك عباس السيسي في كتابه قافلة الإخوان المسلمون فقال كلمة الأستاذ المرشد العالم المرشد العام في حفل الهجرة بالسيدة زينب جاء في كلمات الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل ما يلي إلى بروف honest c'est ce que nous rapporte Cheikh directement d'un livre de l'Ikhwan qui s'appelle La caravane des Ikhwan musulmans, Qafilat l'Ikhwan muslimin, qui est écrit par Abbas Sisi. Il dit, la parole du professeur guide général, c'est-à-dire Hassan al-Banna, à l'occasion de la fête de l'Hijr, donc il fête l'Hijra. Aussi, c'est une innovation, aucun compagnon n'a fêté l'Hijr. Donc, à l'occasion de la fête de l'Hijr, au mausolée, de Sayyida Zainab, il a été rapporté dans les paroles du guide général, c'est-à-dire Hassan al-Banna, à cette occasion, les paroles suivantes. Qala al-Banna fi hadhihi al-munasaba li hadhihi al-munasaba ayyuha al-ikhwa ansahu lakum nasihatan mukhlisa أشدد عليكم في رعايتها وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا سرائركم عمن نال منكم أو أساء إليكم فوالله إني لظنين بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب في الله ولم تسعد إلا بما شاعر الأخوة الحقة الصادقة ظن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوت بحقد أو تشوه ببغضاء وتنال من صفائها خصومة إن الدين حب وبغض ذلك حق الإيمان أن نحب في الله ونبغض في الله. Donc il dit, il rapporte cette parole d'Allah Hassan al-Banna qui dit à cette occasion, frère, je vous conseille un conseil sincère et fortement je vous le recommande. Je vous recommande de préserver ce conseil et de purifier vos cœurs et votre intérieur et n'ayez aucune haine vis-à-vis de ceux qui vous font du mal. Car je crois que ces cœurs qui ne connaissent que la définition de l'amour en Allah et qui sont réjouis par la fraternité véridique. Je ne veux pas que ces cœurs deviennent impurs avec la jalousie et que la haine dénigre ses cœurs, et qu'il tâche la pureté qu'il y a dans ses cœurs, car la religion c'est aimer et haïr, et ça fait partie, c'est un des droits de la foi, qu'on aime en Allah, qu'on déteste pour Allah. ويقول ولكن ما أشد أن نقهر على كره من نحب إن الإيمان حب وبغض. Il dit, il est difficile que nous soyons obligés de détester ce qu'on aime, car l'Iman c'est un amour et une détestation. فأحبوا لأنكم بالحب تسعدون وبهذه العاطفة تجتمعون وعلى هذه المشاعر وبها ترتبطون فلا تحرموا قلوبكم نعمة الحب في الله. فلا تحرموا قلوبكم نعمة الحب في الله تعالى ولا تحرموها شعور الحب الطاهر البريء وادخروا حجر البغض وثورة الغضب لساعة آتية قريبة لنقى فيها خصومنا. Il dit, aimez, car c'est avec l'amour que vous allez être réjouis, et avec ce sentiment vous allez être unis, et avec ce sentiment que vous allez avoir votre liaison. Ne privez pas vos cœurs de ce bienfait qui est l'amour en Allah Azza wa Jal. et ne le privez pas de ce sentiment pur et innocent. Et mettez de côté le fait de détester et la révolution de la colère à une autre heure qui est proche, au moment où nous allons rencontrer nos adversaires. Et il dit, وَلَسْتُ عَنِي خُصُومَنَا فِي الدَّاخِلِ فَلَيْسَ لَنَا فِي الدَّاخِلِ خُصُومٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَإِنْ كَانُوا فَهُمْ غُتَاءٌ كَغُتَاءِ السَّيْلِ سَيَجْرِفُهُمُ الطُّوفَانُ فَإِمَّا سَارُوا وَإِمَّا غَارُوا أَمَّا كَلِمَةُ الْجِهَادِ فَعَاطِفَةٌ مُلْتَهِبَةٌ وَمَعَانِي الْجِهَادِ مُثُلٌ عَيَّةٌ بَاقِيَةٌ تَتَّجِهُ إِلَيْهَا قُلُوبُ أَبْنَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي ظُلِمَتْ وَاعْتُدِيَ عَلَى حُرِّيَّاتِهَا وَحُقُوقِهَا وَأُحِيطَ بِهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Il dit, nous n'avons pas d'ennemis à l'intérieur. Et la louange revient à Allah Azza wa Jal. Et s'ils existent, ce ne sont que des brindis. Ils sont faibles. Et le déluge va les emporter. Le déluge de la révolution d'El Ikhwan. Soit ils suivent le Coran, soit ils vont être engloutis. Et c'est subhanallah, c'est la même parole qu'utilisent certains adeptes d'El Jama'at Yassine. Est-ce que les hommes de science et les penseurs de la communauté soient avec eux, ou là les armées d'Allah vont les engloutir. C'est le même langage. Et il dit, quant à la parole du jihad, à l'expression du jihad, c'est un sentiment allumé, c'est un sentiment chaud. Et la définition, et les définitions du jihad, ce sont des exemples vivants qui restent, vers lesquels s'orientent les cœurs des enfants de cette communauté qui a, sur laquelle on a commis des injustices. On l'a privé de sa liberté et de ses droits, et on l'a entouré de tout endroit. Tout ceci est rapporté pour les arabophones de Qafilat al-Ikhwan al-Muslimoun, tome 1, page 192. Yaqul al-Sheikh Ahmed al-Najmi, hafidhahullah ta'ala, مناقشه الشيخ البنا في هذه الخطبه التي القاها في وكر من اعظم اوكار الشرك في مصر الا وهو مشهد السيده زينب ولم يذكر فيها حرفا واحدا عن الشرك الأكبر الذي يجري في ذلك المشهد من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغيره والنذر والذبح وغير ذلك وكأنه لم ير الطائفين حول القبر والمتمسحين به ولم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيدة زينب طالبين منها الحاجات التي لا تطلب إلا من الله عز وجل. Ici, Cheikh Najmi va commencer à débattre de ce discours. Qu'à débattre ce discours, il a sorti les nullités et le faux qu'il y a dans ce discours qu'a prononcé Hassan al-Banna dans l'un des grands emblèmes de l'associationnisme qui est le mausolée de Siti Zainab. Il dit dans cette khutba que Cheikh al-Banna a prononcé dans l'un des plus grands emblèmes de l'associationnisme en Égypte, qui est le mausolée de Sayyida Zainab, Hassan al-Banna n'a pas cité un mot. Un seul mot sur le grand associationnisme qui s'accomplit devant lui dans cet emblème. Hein? Il n'a pas parlé du dua que font les gens à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas parlé du fait que les gens demandent du secours à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal et qu'ils font des vœux et qu'ils émolent et qu'ils égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas fait allusion à ceux qui se tournent comme on tourne autour de la Kaaba, autour de la tombe, et ceux qui essuient la tombe et qui s'essuient avec, il n'a pas entendu, il n'a pas parlé de ceux, il n'a pas entendu les pas, ceux qui élèvent leur voix, en demandant à Sayyida Zainab directement, demandent à Sayyida Zainab de leur faire des choses qu'on ne demande que d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, wa kanna Sheikh al-Banna lam ya'tabir dhalika al-shirk al-akbar, الذي يسمعه ويشاهده حول ضريح السيدة زينب أمرا منكرا مخالفا للشريعة الإسلامية بل مناقضا للإسلام وهادما له ومقوضا لأركانه إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد في رعايتها ولكن ما هذه النصيحة يا ترى إنه ينصح بتصفية السرائر وتطهير القلوب من الغل والضغينة مع أنها مفعمة بالشرك الأكبر فلهذه خطبة من يعتبر الشرك الذي يراه ويسمعه حول ذلك الضريع مناقضا للإسلام أترك الجواب على هذا السؤال للقارئ. Et comme il dit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, comme si Cheikh al-Banna n'a pas pris en considération le grand associationnisme qu'il a entendu dans cet emblème de l'associationnisme qui est le mausolée de Sayyida Zainab. il l'a pas considéré comme quelque chose de blâmable, comme quelque chose qui est en divergence avec la législation islamique. Cheikh, ils disent, cette association qui s'accomplissait là-bas, c'est quelque chose qui annule l'islam et qui le détruit. Et il dit que Hassan al-Banna a conseillé un conseil sincère dans lequel il a fortement recommandé de préserver ce conseil. Mais c'est quoi ce conseil? Il a conseillé le fait de purifier son intérieur de la haine, alors que les cœurs sont remplis de grand associationnisme. Est-ce que, cher de poser cette question, est-ce que c'est Khotba qu'il a fait? Est-ce que cette Khotba vient de quelqu'un qui considère l'associationnisme et qui entend ce qui se fait dans ce mausolée? Est-ce que cette Khotba émane de quelqu'un qui considère que le grand associationnisme annule l'islam? Et cher de nous dire, je vous laisse la réponse, vous qui lisez, à vous de répondre. فأنت سمعت أن البنا حاضر في مشهد السيدة زينب تكلم عن الحب وترك البغضاء وترك البغضاء وما إلى ذلك ولم يتكلم عن الشرك فتأمل هذا الموقف أعمال شركية في المشهد ولم يتكلم بكلمة عن الشرك وهذا صنيع الإخوان والياسينيين ومن نحى نحوهم في كل في مشارق الأرض ومغاربها إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc ici dans ce discours, tu vois bien, frère en Allah Azza wa Jal, cette conférence qui a été donnée dans l'un des emblèmes de l'un des grands mausolées de l'associationnisme, qui est le mausolée de Sayyida Zainab, Hassan ibn a parlé tout simplement d'aimer et de délaisser la haine. Il n'a pas soulevé, ouvert sa bouche sur l'associationnisme. Et essaye de méditer la situation, de t'imaginer la situation. Tu es dans un lieu où on tourne autour des tombes. Tu es dans un lieu où les gens lèvent les mains et demandent à celui qui est dans la tombe de leur faire des choses, de leur accomplir, de leur donner des enfants, de les faire réussir dans leur vie, etc. Et malgré tout ça, Hassan ibn n'a pas parlé de l'associationnisme, pas un mot. Et ça, c'est la voie qu'ont pris l'Ikhwan al-Muslimoun, ainsi que les Yassinites, et ceux qui suivent la même voie qu'eux. وَيَقُولُ الشَّيْخُ النَّجْمِ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنَّا لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ومعنى لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الباطل. قال ابن كثير رحمه الله وهذه من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور قيل هو الشرك وعبادة الأصنام وقيل الكذب والفسق والكفر واللهو والباطل. Et d'autre part, Cheikh Najmi de nous dire, toujours en critiquant ce discours, et d'autre part, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et ceux qui n'attestent pas le faux zor, et quand ils passent à côté des jeux et du blasphème, ils passent très vite. Ce qui veut dire, ils n'attestent pas zor, c'est-à-dire ils n'attestent pas au faux. Ils n'assistent pas au faux, ils ne le confirment pas, ils ne restent pas là où il s'accomplit. Ibn Kathir, rahmatullahi alayh, il dit, ça c'est l'une des caractéristiques des serviteurs du Clément, c'est qu'ils n'attestent pas, ils ne sont pas aux endroits où il y a zor. On a dit de zor que c'est l'associationnisme, c'est l'adoration du statut. On a dit aussi que c'est le mensonge, c'est la perversité, c'est la mécréance, c'est le blasphème et c'est le faux. وقال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هو أعياد المشركين. وقال عمر بن قيس هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك والزهري شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه. أبو العالية وطاووس بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. Et ça, ce sont les fêtes de l'associationnisme, des associateurs. Az-Zour, c'est les fêtes des associateurs. Et Omar ibn Qays a dit, ce sont les assises du mal, dans lesquelles il n'y a que le mal. Malik al-Zuhri dit, c'est là où, le fait de boire du vin, les assises où on boit du vin, ils n'y assistent pas. Ils n'ont pas envie d'y assister à ces assises-là. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى: القول بأن الزور الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعه هو الأولى والأجمع، ويدخل فيه الشرك بالله وعياد المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك. الشيخ دونودير حفظه الله تعالى la définition du mot zour, c'est le faux dans sa diversité. C'est ça la parole avenante dans laquelle rentrent l'associationnisme, les fêtes des associateurs, l'adoration des statues et autres. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى: وإن مشهد السيدة زينب من أعظم أوكار الشرك التي تحارب فيها عقيدة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يدخله إلا أن يكون منكرا لما يفعل أولئك المشركون، فمن دخله ليحاضر فيه بشيء غير إنكار الشرك فإنه يكون قد شجع الشرك الأكبر وأقره وآوى أهله، وإنه بذلك قد أوهم الجهال بأن ما يعملونه لا غبار عليه، وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وهذا من أعظم الظلم والغش والخداع الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. الشيخ النجمي حفظه الله تعالى دونودير هذا المزول للسيدة زينب est l'un des plus grands endroits de l'associationnisme dans lequel on combat le monothéisme, avec lequel ont été envoyés les messagers alayhi salatu wassalam. Et le dernier de ces messagers est Mohammed alayhi salatu wassalam. Il n'est pas permis à un musulman d'y rentrer, sauf celui qui veut blâmer ce qui se fait dedans, celui qui veut blâmer les associateurs qu'il y a dedans, celui qui rentre pour y faire une conférence sans blâmer l'associationnisme. Hada, il est en train d'encourager le grand associationnisme et de l'approuver et de accueillir ces gens. Et avec cela, en agissant ainsi, il a confirmé les ignorants dans leur illusion. Il les a confirmés dans le fait que ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a aucun mal dedans et que c'est une adoration avec laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la plus énorme injustice, la plus énorme trahison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et que son messager alayhi salatu salam a interdit. Fa'in qi'il, inna shaykh al-banna قد دعا إلى الجهاد في هذه الخطبة فيكون قد قدم عليه. Ici, on nous dit que Cheikh al-Banna a appelé vers le jihad dans cette khutba. Donc, dans ce cas-là, il a accompli son devoir. يقول الشيخ ردا على هذا: قلنا أي جهاد الذي دعا إليه البنا إذا كان قد أقر الشرك الأكبر المخرج من الملة، وما فائدة جهاد اليهود والنصارى إذا كنا مثلهم بل أردأ منهم؟ فاليهود أن له عزيرا والنصارى أن له عيسى عليه السلام فقط، أما الصوفية ومن دان بدينهم فقد أن له ما لا يحصى من البشر، فتجد قوما يعبدون الحسين ومن وآخرون يعبدون السيدة زينب وآخرون يعبدون البدوي وآخرون يعبدون الجيلاني وآخرون يعبدون الدسوقي، وهلم جرى ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة، فحسبنا الله على من أقر الشرك بالله في حين أنه يزعم أنه يدعو إلى الله عز وجل. Et c'est quelqu'un de dire que Cheikh al-Banna a appelé au combat al-jihad dans son exhorte. Donc il a accompli son devoir. Cheikh de refuter cette parole. Il a dit: vers quel jihad il a appelé al-Banna quand il a approuvé l'association, le grand associationnisme qui sort de l'islam? Et à quoi ça sert le fait de combattre les ennemis d'Allah Azza wa Jal? S'ils ne sont comme eux, et s'ils ne sont plus bas qu'eux, les juifs ont pris comme divinité Uzair, les nasara ont pris comme divinité Isa, tout simplement. Mais les sophies, et ceux qui suivent leur voie, et qui sont dans la même religion que les sophies, Hadou, ils ont pris comme divinité beaucoup de gens. Il y a ceux qui adorent le Hussein, il y a ceux qui adorent Siti Zainab, il y a ceux qui adorent le Badawi, il y a ceux qui adorent le Gilani, il y a ceux qui adorent Dasuki, il يهلم جرة يون أفريك دي نور دي نون أن أون بلو فينير أو نور دو لارابي أن أون بلو فينير أترافيغ لا بلانيت أن أون بلو فينير أن نومبر أن ديفينيس أن كالكولاب دو ديفينيتي كالله سبحانه وتعالى نبريزيرف Celui qui approuve l'associationnisme, alors qu'il prétend appeler vers Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Une da'wa qui ne s'accomplit pas sur le monothéisme est une da'wa qui ne pourra pas donner ses fruits. والخلاصة أن كل من دعا إلى جهاد ولم يؤسس على التوحيد الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاده فإنه قد ضل وأضل وأخطأ الطريق الأمثل الذي صار عليه كل نبي مرسل ونطق به كل كتاب منزل. Et on résume de nous dire, Cheikh, حفظه الله تعالى, que tout un chacun qui prétend appeler vers un combat et que son combat et son jihad, il n'est pas basé sur le monothéisme et sur lequel a basé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam son combat, celui-là il s'est égaré et il égare et il s'est trompé de voie et il n'a pas pris la voie du messager alayhi wa sallam et il n'a pas pris la voie de tout envoyé d'Allah azza wa jal. أما قول البنا في رسالة التعاليم في الأصل الرابع من الأصول العشرين والتمائم والرقى والودع والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة علم الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان آية أو قرآن أو رقية مأثورة من كتاب نظرات في رسالة التعاليم لمحمد عبد الله الخطيب ومحمد عبد الحليم حامد الصفحه 80. Et quant à la parole d'Al-Banna dans sa risala At-Ta'alim, les enseignements au fondement 4 parmi les fondements, les 20 fondements de Hassan Al-Banna et les 20 fondements sur lesquels marchent les ikhwan muslimoun, il dit tama'im, ruqa, al-wuda, la divinité, le fait de deviner l'avenir, le fait de prétendre de connaître l'invisible, le fait d'accrocher les amulettes, le fait d'aller chercher la guérison, et le fait d'accrocher des trucs au cou, etc. Il a dit tout ça, le Banna a dit que tout ça, c'est quelque chose de blâmable. Et il faut le combattre, sauf ce qui est un verset du Coran ou une ruqya qui trouve sa preuve. Tout ceci est rapporté de Nadarat vu sur l'épître de l'enseignement de Mohamed Abdullah al-Khatib et Mohamed Abdel Halim Hamid. C'est-à-dire que c'est une étude qui est faite sur les fondements de Jama'at al-Ikhwan. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وقال في النص الرابع عشر وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ولكن الاستعانة بالمقبور أيا كان ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجة منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة انتهى. Il dit dans le même livre, le texte 14, parmi les fondements, le fait de visiter les tombes, n'importe quelle tombe, c'est une sunna légiférée. Il faut le faire avec, selon la sunna. Mais le fait de demander aide à ceux qui sont enterrés dans les tombes et de les appeler et de leur demander de faire des choses, et le fait de faire des vœux pour eux, et le fait de construire des mausolées sur eux, et d'élever leurs tombes, et de les couvrir, et de les illuminer, et le fait de s'essuyer sur cette tombe, et le fait de jurer avec autre qu'Allah, Azza wa Jalla, tout ce qui s'ensuit, ceci, ce sont des innovations pour Hassan ibn Ali, ce sont des innovations, ce sont des péchés capitaux qu'il faut combattre, et on ne va pas chercher à leur donner des... à les approuver. Et maintenant commence la critique de ces paroles de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. والآن يبدأ نقد الشيخ النجمي لهذا الكلام. يقول حفظه الله تعالى: أولا وقبل كل شيء، في هذين المقطعين أو الأصلين الذين كتبهما الأستاذ البنا خلط يدل على عدم تمييزه بين البدعة والشرك الأكبر والشرك الأصغر، فمزاولة الكهانة وادعاء معرفة علم الغيب شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم والنذر لهم والتمسح بقبورهم كل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك تعلق تمائم والوذع إن اعتقد فيه أنه يدفع عنه الجنة أو ما أشبه ذلك كل هذا من الشرك الأكبر، مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح سفك دمائهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. الشيخ دونودير la première critique, il dit, premièrement, au niveau de ces deux textes, de ces fondements qu'a écrit Hassan al-Banna, il y a un mélange qui prouve que Hassan al-Banna ne fait pas la différence entre l'innovation, le grand associationnisme et le petit associationnisme. Le fait d'être devin et le fait de prétendre connaître l'invisible, ça c'est le grand associationnisme qui sort de l'islam. Le fait de demander à ceux qui sont enterrés dans une tombe et de les appeler pour qu'ils fassent des choses pour nous, de leur faire des vœux, d'égorger pour eux, de s'essuyer sur leur tombe. Tout ça fait partie des grandes associations qui sortent de l'islam. Il en est de même pour le fait de se accrocher des amulettes et tout ce qu'on accroche en croyant que ça va pousser le jeûne de nous, ça va nous protéger du jeûne ou autre. Tout ça fait partie du grand associationnisme, comme l'association dans laquelle baignaient les Arabes qu'a combattu Mohammed alayhi salatu salam. وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير الله تعالى والرقية إذا كانت بغير المشروع ولم يكن فيها استغاثة بالجن أو غيرهم. أما البدع فهي البناء على القبور وسترها والإضاءة لها، فالدمج بين هذه الأمور المتفاوتة في الحكم دال على عدم معرفته للتفصيل، فمن دعا غير الله وطلب منه جلب النفع ودفع الضر فقد كفر. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان هذا في حق الآتي إلى الكاهن، فما بالك بالكاهن نفسه. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن اعتقد فيه ذلك فقد كفر. فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر التي لا يخرج بها صاحبها من الإسلام فهو أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، وإما مفتون يريد أن يضل الناس. Et Cheikh de continuer la critique et de nous dire: alors que le petit associationnisme, c'est le fait de jurer avec autre qu'Allah Azza wa Jal, ou le fait de faire une ruqya avec des choses qui ne sont pas légiférées, tant qu'il n'y a pas dedans le fait de céder avec le jinn ou autre. En ce qui concerne le petit associationnisme, c'est le fait de jurer avec autre qu'Allah Azza wa Jal, de faire une ruqya qui n'est pas légiférée, quand la ruqya n'est pas dans quand il n'y a pas dans la ruqya le fait de demander à l'jinn ou à autre. Dans ces cas-là, tout ça rentre dans le petit associationnisme. Quant à l'innovation, c'est le fait de construire sur le tombe, c'est le fait de les couvrir avec du tissu, de les illuminer avec de la lumière, de mettre du parfum dessus, et le fait de mélanger entre ces choses qui sont différentes dans leur sentence, cela prouve que Hassan al-Banna ne connaissait pas le détail. Car, comme dit Cheikh ici, celui qui demande à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal pour lui ramener le bien ou pour repousser son mal, celui-là, il a mécru. Le verset dit: celui qui demande à quelqu'un d'autre qu'à Allah il n'a pas de preuve dessus, son compte sera sur son Seigneur et les mécréants ne vont pas réussir. Le verset, il est clair. Il est dans le Mu'minoun, il est dans verset 117. Et dans le hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans cette riwaya de l'imam muslim, dit alayhi salatu salam, il donne la, il y a une autre riwaya dans ce paragraphe qui est de l'imam Ahmad rahmatullah alayhi, cette première est de l'imam Muslim. Il dit, celui qui va voir un devin, sa prière ne sera pas acceptée 40 jours. C'est-à-dire 40 nuits, sa prière ne sont pas acceptées. Dans une autre version, il a mécru en ce qui est descendu sur Muhammad alayhi salatu salam. La première version étant celle de l'imam Muslim. Cette deuxième version, dans laquelle il a mécru en ce qui est descendu sur Muhammad alayhi salatu salam, il dit l'imam Ahmed. Et si c'est ça, c'est son sens, il est vis-à-vis de celui qui est allé voir le devin, qu'est-ce qu'il en est de celui qui est devin lui-même et qui prétend connaître l'invisible? Celui-là, il a mécru. Et celui qui croit en lui, qui croit en le divin, qu'en quoi il connaît l'invisible, etc., il a mécru aussi. Et celui qui prétend que c'est le fait d'aller voir le divin, etc., que ça, tout simplement, ce sont des péchés capitaux, et le fait de prétendre connaître l'invisible, ça, ce sont tout simplement des péchés capitaux, celui-là, et que c'est le fait de prétendre que l'invisible, de connaître l'invisible, ne sort pas la personne de l'islam, ben celui-là, c'est l'un des deux hommes. Soit c'est quelqu'un qui ne connaît pas les sentences de la législation, soit c'est un ftoun qui veut égarer les gens. Soit c'est quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît pas les lois d'Allah Azza wa Jal, soit c'est quelqu'un qui est ftoun et qui veut égarer les gens. Et Cheikh Al-Najmi Hafidhahullah de continuer de nous dire, وَيَزِيدُ الشَّيْخُ وَيَقُولُ أَمَّا الْحَلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ شِرْكٌ أَصْغَرُ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَحْلِفُونَ بِآبَائِهِمْ وبالكعبة وبالنبي صلى الله عليه وسلم تمنه عن ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. Quant au fait de jurer avec autre qu'Allah Azza wa Jal, ça fait partie du domaine de du petit associationnisme qui ne sort pas de l'islam. La preuve en est que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam faisaient des serments avec leur père. Faisait des serments avec le Kaaba ou avec le prophète alayhi salatu wassalam, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit, il leur a dit, ne faites pas de serment avec vos parents, et celui qui veut faire un serment, qu'il le fasse par le nom d'Allah, Azzawajal, par Allah, Azzawajal, ou qu'il se taise. Amma al-bina'u ala al-qubur. وسترها والإضاءة لها فهي بدع إذا لم يصحبها دعوة للمقبورين ولا توسل بهم ولا قدر ولو قدر أنه يقصد بالمنكر الشرك والكفر فإن العمل بهذا التقرير وقد أقر العامة على دعوة المقبورين وتأليههم. Quant au fait de construire sur les tombes et de les couvrir de tissus et de les illuminer, ça fait partie des innovations. Si on ne demande pas à ceux qui sont enterrés dans les tombes et qu'on ne prenne pas ceux qui sont enterrés dans les tombes comme intermédiaires, et si supposons que le Banna voulait avec, en utilisant le mot Munkar dans son texte, il voulait avec l'associationnisme et la mécréance, où il est le fait de la mise en application. Parce que il a approuvé le commun dans leur dua à ceux, dans leur dua quand ils demandent aux tombes et quand ils prennent comme divinité les tombes en leur demandant à leur faire des choses. C'est même, dit Cheikh ici, la parole du Cheikh est assez significative. Si même on veut porter le mot Munkar qu'a utilisé le Banna dans son texte, et le porter sur comme quoi il veut avec l'association de la mécréance, où il est là le fait de le mettre en application quand le Banna a confirmé le commun dans leur dua à ceux qui sont enterrés dans les tombes et de les prendre comme leur divinité, leur demander des choses. Wa yaqulu al-Sheikh hafidhahullah ta'ala, ولقد انعكس هذا أي التهاون بتوحيد الألوهية واستمراء الشرك الذي يناقضه وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام ويقوضه من أصل. انعكس هذا الوضع الذي عاشه البنا في دعوته على جميع القادة والمنظرين في هذا المنهج، فخيرهم الساكت عنه والمقر له، وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه، بل من المنظرين والقادة في المنهج الإخواني من وقع في الشرك الأكبر، كما سيأتي عن سعيد حواء وعمر تلمساني ومصطفى السباعي فضلا عن غيرهم. Et Cheikh de nous dire que cette situation, le fait de négliger le monothéisme, a imprégné aussi, et le fait de ne pas avoir d'allergie contre l'associationnisme, le fait de ne pas prendre en considération le fait que l'associationnisme, le grand associationnisme, annule l'islam de sa base, ça a atteint aussi les théoriciens et les grands guides de ce groupe. Le meilleur parmi eux des chers, ce sont ceux qui se taisent. Et ceux qui l'approuvent. Et il dit même, c'est celui qui, il cherche de nous dire, celui qui se tait sur l'associationnisme, il n'y a aucun bien en lui. Et il dit, parmi les théoriciens de ce groupe, et les guides, et les responsables, et les chefs de ce groupe, Ikhwani, parmi eux, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont tombés dans le grand associationnisme. Comme il va nous le citer de Saïd Hawa, de Omar Talamsani, de Mustafa Sbaï. Ça, c'est les grands. Et leurs écrivains, et leurs machaïrs. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas de leur catégorie, qui n'ont pas, et qui ne sont pas leurs écrivains, ni leurs théoriciens? On va arrêter là. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.